Je ne sais pas s'ils ont confirmé qu'ils seraient là, mais bien sûr, on les a invités parce que si on veut avoir un vrai débat, il faut qu'on ait des gens pour et des gens contre. Il faut que les gens puissent vraiment débattre. Donc, on espère que ces gens-là qui ont été invités par une lettre plus particulière participent à ce débat-là parce que je pense que c'est important et il faut absolument qu'ils soient là.